J'ai attendu 2 heures quoi. Putain, après ça arrive. 2 heures, c'est clair, moi je le tue la personne. Ouais, non mais après ouais, non, mais en 2 heures, t'as le temps d'appeler quand même la personne. Tu dis j'arrive. Ouais, bon, elle a appelé entre temps, mais bon, alors, si c'était pour dire ouais, je suis encore au sport, j'arrive et tout. Bon, bah, bon week-end tout le monde. Bon week-end. À la semaine prochaine. Put me on the picture.